La femme adultère. Un poème de Félix Arvers, tiré du recueil Pièces inédites, 1851, lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Écoutez ce que c'est que la femme adultère. Sa joie est un tourment, sa douleur un mystère. Dans son cœur dégradé, que le crime avilit, un autre a pris la place à l'époux réservé. D'impure volupté, elle s'est abreuvée. Un autre est venu dans son lit. Dévorée au-dedans d'une flamme cachée, toujours devant les yeux son image attachée jusqu'au bras d'un époux vient encore la troubler. Elle reste au logis des heures à l'attendre, prête l'oreille et dit, quand elle croit l'entendre, à ses enfants de s'en aller. Son complice, des lois, il brave la vengeance. Qui pourrait, trahissant leur sourde intelligence, éveiller dans les cœurs le soupçon endormi? De son crime impuni, le succès l'encourage. La mère lui sourit, et l'époux qui l'outrage l'embrasse en disant « Mon ami ». Voici venir enfin l'heure tant retardée. Les voilà seuls, la porte est close et bien gardée. Pourquoi cet air pensif? Pourquoi cet œil distrait? Pourquoi toujours trembler et pâlir d'épouvante? Personne ne l'a vu monter, et la suivante a reçu le prix du secret. Dans un festin brillant, le hasard les rassemble. Leurs sièges sont voisins. Que vont-ils dire ensemble? Quel sinistre bonheur dans leur regard à lui! Oh, retiens les éclairs de ta prunelle ardente, garde de te trahir et de boire, imprudente, dans la même coupe après lui. Que dis-je? Du mépris et de l'indifférence, elle sait à son œil imposer l'apparence. Un regard indiscret jamais ne révéla de son cœur déchiré la sombre inquiétude. Elle s'observe et sait, à force d'habitude, rester froide quand il est là. Ses tourments sont cachés à tous, soyez sans crainte. Aussi, regardez-la, sans gêne et sans contrainte, répondre à 20 propos, sourire. Oh, si du moins, pour apaiser l'ardeur dont elle est embrasée, elle pouvait, auprès d'une obscure croisée, la voir un instant sans témoin, sentir le bruit léger de sa robe froissée, dans les plis de satin, sa jambe entrelacée, lui donner d'un regard l'heure du lendemain, et dans ce tourbillon qui roule et qui l'emporte, lui dire, ou seulement debout près de la porte, en passant, lui serrer la main. Cependant, pas à pas, la vieillesse est venue troubler son cœur flétri d'une crainte inconnue. Le prestige enivrant s'est enfin dissipé. Il faut quitter l'amour, l'amour et son ivresse. Il faut se trouver seul et subir la tendresse de cet homme qu'elle a trompé.